Qu'est-ce qu'il y a, prod? C'est vrai, faut pas, me parle pas comme un sourd devant une radio. Je crois que la maille sera palpable quand l'horizon sera moins palo. En attendant, c'est bon bâtard sous UV d'HPS. Même si les vapeurs tâchent ma peste, lançons les années bombe attaque. On veut que le liquide tombe comme en hydroponie, mais c'est la politique qui trompe comme la liste popolie. Je baisse pas les bras car c'est la vie qui me tient, on joue ma gueule. Des fois on fait des bails chelous un peu comme si un Froman neuf. Devant le jugement dernier, je pense que je vais passer mon tour. J'ai beau avoir les idées claires, mes bails deviennent sacrément flous. C'est vrai, je suis qu'un élève, la vie et je suis déjà lassé de son cours. Des rêves au bout des mais ils vont se casser sans sous. Avoue qu'on fait la guerre alors qu'on a qu'une face de paix. J'avoue avoir les idées noires alors que j'ai qu'une face de craie. Je m'arrache la tête quitte à vouloir servir sur un plateau. On n'a pas que des idées bateaux. Si je lâche de langue, bah je lâche du lest. On se bute le foie et la rétine sur des airs de blues. Parfois on n'a pas la main sur nos ifs comme Jamel de Bouze. Pas fier de toi quand la résine te ramène le flou. Y'a pas de loi quand on a faim et ton banquier t'appelle le 12. Je voudrais m'arracher de là, mais j'ai pas assez de glace. Roulez-moi un masque là, c'est gris, j'en ai assez de ça. J'emprunte l'esprit hip-hop depuis que mes rêves ont rendu la marre des mecs vendus man avec l'esprit aux antipodes.